Les gentils organisateurs qui préparent ces rencontres, là, Bernard de Montréal et François Payotte, préféreraient que je vous fasse grâce de mes introductions. Mais je suis pas capable. J'ai toujours quelque chose à vous raconter. Il y a beaucoup de monde qui s'inquiète de savoir ce que devient ma belle-mère. Parce que c'est parallèle à l'évolution du supramental. Ma belle-mère, c'est le prototype réfractaire à cette évolution-là. Fait que vous interrogez certainement sur son devenir. Eh bien, ma belle-mère a failli mourir. Elle a failli mourir d'une crise. Une crise d'hilarité. Elle a failli mourir de rire. Faut que je vous raconte ça, vite fait. Mes gentils organisateurs me regardent avec un œil glauque. Alors, vite fait sur le gaz. Nous avions récemment une soirée fort animée, ma belle-mère, moi et ma femme, etc., autour du livre de Bernard de Montréal. Il était question de savoir quelle était l'origine de ce livre. Pour ma part, je prétendais que c'était un livre inspiré par le double de Bernard de Montréal, tel qu'il me l'a dit, alors que ma belle-mère prétendait que c'était un livre qui sortait en ligne droite de son imagination. Fait que, étant tous deux dans une impasse et en venant petit à petit aux mots, les mots entraînant les coups avec ma belle-mère véhémence, vous la connaissez, ma femme est apparue dans le décor et a fait fonction d'arbitre. Elle a dit: pourquoi est-ce que t'appellerais pas mon frère? Le frère de ma femme, c'est mon frère, mais c'est aussi mon père dans le sens que il est un prêtre. C'est l'abbé Pierre-Charles de Saint-Basile-le-Grand. Les ouailles de Saint-Basile-le-Grand l'appellent d'ailleurs familièrement l'abbé PC. Pour Pierre-Charles, l'abbé PC. Fait que ce soir-là, où on était prêt à en venir au coup avec ma belle-mère sur cette espèce d'affaire, j'ai décidé d'appeler l'abbé PC, en PCV, et je téléphone donc à Saint-Basile-le-Grand, et c'est comment est-ce qu'on appelle ça, le gars qui s'occupe du curé, là, de la paroisse, le sacristain, qui me répond, et il me dit: bah, l'abbé PC, il est sur la véranda. Je dis: quel drôle de nom, hein, pour une gouvernante. Véranda. Ouais. Fait que je dis: dérangez-le pas, s'il est sur la véranda. Je comprends ça, il vit le démon du midi, faut en profiter tant qu'il est midi, tu sais. Mais non, Pierre-Charles, il m'a dit, si c'est François Payotte qui appelle, là, je suis toujours disposé à répondre tout de suite à son appel. Fait que, il a été chercher l'abbé PC qui était sur la véranda, en train d'accomplir son devoir. Ça fait que j'ai eu l'abbé PC au bout du téléphone 5 minutes plus tard. J'ai excuse-moi de te déranger, Pierre-Charles. Es-tu belle au moins l'abbé PC, pardon, la véranda, hein? Il me dit: ben, tu sais, je passe tous les soirs 1 heure ou 2 à la faire reluire. Tu penses qu'elle est jolie? J'écoute. Le problème là, c'est que on a reçu un grand livre, un livre épais, et on veut savoir quelle est son origine. C'est-tu un livre inspiré? Sort-il de l'imagination de l'auteur, ou est-il inspiré des sphères occultes? Quelle est ton appréciation? Et Pierre-Charles me dit: ben, à ce moment-là, soumets-le, ce livre-là, au jugement de Salomon. C'est quoi le jugement de Salomon? Ben, il dit: combien l'as-tu payé ce livre? Ben, je dis: entre 99 et 101 dollars, à peu près, là. Il dit: ben, prends donc un billet dans ta poche, dans ton portefeuille, de l'équivalent de ce que tu l'as payé, puis tu le lances en l'air, ton billet, puis s'il retombe et puis c'est le côté face, c'est un livre qui est directement originaire de l'imagination de l'auteur. Et s'il retombe sur le côté pile, c'est un livre qui est inspiré. Fait que là, à la maison, j'ai sorti mon billet de 100 dollars, je l'ai lancé dans les airs, Puis vous me croirez peut-être pas, mais il n'est jamais retombé à terre. Il n'est pas resté collé au plafond, non, non. Mais c'est que Bouboule, le pitbull de ma belle-mère, il l'a happé, mon billet 100 dollars, puis il l'a dévoré, l'a avalé. Fait que le mystère, il est resté entier dans la soirée. Pour moi, je sais toujours pas c'est quoi l'origine de ce livre-là. Fait que ça m'a déjà coûté 100 dollars. Fait que je me suis dit, pour que ça vous coûte moins cher à vous autres, vous n'ayez pas à soumettre au jugement de Salomon. Il vaudrait peut-être mieux qu'on pose la question à Bernard de Montréal directement. Fait que je me dis, Bernard de Montréal, es-tu un homme à part entière ou es-tu un homme entièrement à part? On va peut-être le savoir, là, en accueillant M. Bernard de Montréal. Vous l'avez échappé belle, comme d'habitude. Bernard de Montréal, c'est le seul qui n'est pas soumis à mes introductions. C'est pour ça qu'il est en bonne santé. J'étais en train de faire valoir mes préoccupations fondamentales dans ma vie, qui sont toujours ma belle-mère, son pitbull, et aussi mon beau-frère, la BPC de Saint-Basile-le-Grand. À savoir, quelle était l'origine de ce livre, « La genèse du réel ». Avant de vous poser la question, parce que ici je me suis fait une petite note, là, c'est marqué Kiki. Kiki, ça veut dire Kiki l'a écrit, ce livre-là. Ça, c'est pour pas l'oublier, c'est un pense-bête, là. Mais je vais vous la poser dans la soirée, la question, Kiki l'a écrit. Je voudrais, moi, ce soir, parler de la genèse du réel. C'est un livre époustouflant. J'en ai fumé la moitié. J'ai pas été capable de fumer la totalité du livre. L'autre partie, je l'ai lue. Puis, de par ma conformité de lecteur, parce que je suis un lecteur, moi. Il y a des gens qui ont pour hobby le hockey, et d'autres c'est la taverne, etc. Moi, c'est la lecture. Bon, j'ai lu quelque chose comme 3 ou 4 000 livres dans ma vie. Ça ne veut pas dire pour ça que j'ai compris quelque chose. Mais, si j'avais des éloges à vous faire, j'aimerais savoir d'abord si je peux vous faire des éloges. Si vous avez écrit ce livre, à ce moment-là, je peux vous faire des éloges. Mais si vous n'en êtes pas l'auteur à qui s'adresseraient les éloges, mais c'est un des grands livres que j'ai lus. Et... comme ma déformation professionnelle est celle de lire et de lire des livres, et j'en ai lu entre 3 et 4 000, je suis obligé de le situer quelque part, dans cet univers-là du livre. Et en le décortiquant, et en l'analysant, je m'aperçois que le phénomène central de ce livre, ce sur quoi il repose, l'axe, les cieux, c'est le phénomène OVNI. Évidemment, c'est un livre qui s'intéresse à l'évolution générale de l'humanité, mais je retrouve un intérêt central, qui est pour moi l'axe, qui est le phénomène OVNI. Si on avait encore moult rencontres, on pourrait le développer plus en avant. Mais ce soir, on a une heure devant nous, on va s'intéresser au phénomène OVNI. C'est pour ça que dans cette lecture, je le situe parmi les 3 grands livres qui s'interrogent sur le phénomène OVNI. Et voilà comment je le classe. Il y a d'abord la cosmogonie d'Urantia, pour laquelle le phénomène OVNI est essentiellement positif. Il y a les cahiers d'initiés pour lesquels le phénomène OVNI est essentiellement négatif. Et il y a la genèse du réel,